Chapitre 30e. Une heure après, Pornic se présenta chez Rose. Florence le regarda de travers. Elle le reconnaissait pour un de ceux qui avaient trempé dans cette fameuse partie du plaisir dont André s'était montré si mécontent. Tous les Parisiens, d'ailleurs, étaient devenus ses ennemis, à elle, jadis, si essentiellement attachée au théâtre. Dans son existence bourgeoise et tranquille, elle avait puisé une véritable horreur provinciale pour tout ce qui lui rappelait l'ancienne profession de sa maîtresse. Elle ne pouvait cependant pas mettre Gérard à la porte, puisque Rose lui avait ordonné de le recevoir. Elle l'introduisit au salon d'un air rogue et ferma la porte avec un coup d'œil qu'avertissait la jeune femme que l'antichambre aurait des oreilles pendant cette entrevue. C'était tout ce qu'elle pouvait pour sauver les apparences, et cela, au moins, elle le ferait de bon cœur. Rose n'y prit point garde. À l'idée de désobéir à son mari d'une façon si flagrante, sa bonne humeur était revenue. Elle trouvait là un régal délicieux pour ses appétits de rébellion. Si Pornic s'était figuré une réception favorable, il fut cruellement trompé. Jamais la jeune femme n'avait déployé un esprit aussi fantasque et aussi malicieux. Tout ce qui sommeillait en elle de drôlerie naturelle, de réflexions mordantes, de sens critique impitoyable, prit l'essor le plus inattendu. En quelques coups de griffe, elle déchira une demi-douzaine de réputations, d'ailleurs déjà entamées, et par un revirement qu'il était loin de prévoir, elle tomba sur le drame de Pornic qu'elle mit en charpie. À Paris, il lui avait raconté sa pièce d'un ton dramatique, convaincu, fait pour l'émouvoir, car, par un hasard assez curieux, les gens qui s'adonnent au théâtre sont enchantés de se jouer entre eux la petite comédie d'une émotion vraie, qui d'ailleurs ne trompe jamais personne. Rose l'avait écoutée presque émue elle-même, en voyant se dérouler devant elle les péripéties d'un rôle passionné qu'elle s'approprierait admirablement. Mais son état d'esprit avait changé, et maintenant, dans le calme de la vie, les événements de ce drame prenaient des proportions caricaturales. Elle lui racontait elle-même les divers incidents par lesquels passaient les personnages, et elle en faisait jaillir des rapprochements grotesques, des conséquences bizarres, des coïncidences absurdes, dont elle riait aux larmes, pendant que Pornic, très mécontent, tortillait sa moustache d'un air contrit qui amusait cette tête folle plus encore que tout le reste. « Vous trouvez ça drôle ?» lui dit-il, quand elle eut annoncé la chute du rideau sur un 9e tableau ébouriffant. « Très drôle, c'est une joie !» dit-elle, redevenue sérieuse, en le regardant avec ses grands yeux bleus, si profonds et si railleurs. « Eh bien, » fit-il d'un ton dégagé, « nous tâcherons d'en faire une pièce pour le Palais Royal. » Elle appuya sa jolie tête moqueuse sur sa main et sourit. « Vous avez bon caractère, » dit-elle soudain radoucie. « Il le faut bien. Que voulez-vous que je vous dise ? Vous m'ôtez mes illusions sur ma valeur personnelle, vous détruisez mon château en Espagne, vous m'arrachez ma plus grande espérance, celle de vous voir incarner ma pensée. Ne soyez pas sentimental, » s'écria Rose en frappant dans ses mains, « ou vous allez me replonger dans cette extase de joie qui vous a tant vexé tout à l'heure. » Il s'efforça de sourire, bien qu'il fût très pâle, car il était cruellement blessé dans son amour-propre d'homme aimable et d'auteur. « Je ferais mieux alors de reprendre le train, » dit-il, « car je ne me sens pas au niveau de votre étincelante gaieté. » Elle resta silencieuse, un peu honteuse d'avoir tant ri à ses dépens, et un peu triste, comme il arrive toujours quand on a été trop gai. « Il ne faut pas m'en vouloir, » dit-elle en tournant son joli visage assombri. « Je suis un peu folle, vous savez. » « Demain, je démolirai le drame d'un autre. »« Cela ne raccommodera pas le mien, » répondit-il, « mais je suis content si cela vous amusait un instant. » Cette résignation de bonne compagnie toucha plus la jeune femme que les déclamations les plus passionnées. « J'ai eu tort, » dit-elle en lui tendant la main. Il la prit, la serra très légèrement et la laissa retomber. Il ne boudait pas, mais toute son attitude indiquait un chagrin réel, aussi loin de la vérité d'ailleurs que son émotion précédente. Au fond, il était horriblement vexé, tout bonnement. Rose se repentit de sa malignité. « Vous dînez avec moi ? » dit-elle tout à coup, ne trouvant à sa portée que ce moyen d'atténuer ses torts. « Je ne sais si je dois, » murmura l'auteur. « Dans cette ville, l'humeur sévère ne serait-ce pas une imprudence, en l'absence de votre mari ?»« Je me soucie bien des imprudences, » s'écria Rose. « Florence, un couvert pour monsieur, et soigne ton dîner. » Si les yeux de Florence avaient été des flèches trempées dans du curare, l'habit de Pornic eût été singulièrement en péril. Elle n'avait pour le moment d'autre moyen de manifester son mécontentement que de faire un dîner détestable, et c'est à quoi elle s'appliqua avec un succès parfait. Rose n'y prit pas particulièrement garde. Son esprit était ailleurs. Elle pensait à son mari, au docteur, qui lui ferait des remontrances, au drame déchiré par elle, et dont les parties véritablement belles se rétablissaient sous leur jour réel, devant son esprit maintenant rassis et calmé. Elle écoute à peine Pornic, qui lui parlait de 100 choses parisiennes, dont la saveur fugitive, pour être goûtée, demande un auditeur bien préparé. « Où le donnerez-vous, votre drame » demanda-t-elle tout à coup, l'interrompant au milieu d'une histoire pendant qu'il retournait au salon. « Je ne sais trop. Le donnerai-je maintenant que vous m'avez ôté la foi ?»« Vous m'avez dégoûté de mon œuvre. C'est très dur, mais peut-être salutaire. Je ferai quelque chose de mieux. »« Quelle bêtise !» fit Rose en haussant les épaules. « Est-ce qu'on se dégoûte d'une œuvre finie, prête à entrer en répétition ?» Je vous dis encore une fois que le sentiment ne prend pas sur moi. Où donnerez-vous votre machine ? Peut-être en province, dit-il prenant bravement son parti. Je suis en pourparler avec l'ambigu, mais il n'y a plus d'actrice pour le drame. Les yeux de Rose brillèrent d'un feu méchant. En province, c'est encore bien pire, dit-elle. Évidemment, il n'y a que vous. Ils restèrent silencieux. Le soir tombait. Le salon avait l'air immense. Dans l'obscurité grise des derniers jours d'août, il rapprocha son fauteuil. « Vous vous ennuyez horriblement ? » dit-elle à voix basse. « J'étouffe ! » répondit-elle comme un cri. « Mais pourquoi ne renoncez-vous pas à cette vie absurde ?» Elle n'osa répondre qu'elle avait peur d'André. C'était vrai, pourtant. « Vous vivrez ainsi, enfermé comme une plante qui manque d'air jusqu'à ce que la mort vous délivre ? Qu'en sais-je ? » dit-elle avec un accent de douloureuse colère. « Si vous vouliez... » Un fracas de porte violemment repoussé interrompit la phrase de Pornic, et Florence entra, une lampe à chaque main. Elle savait combien le silence et l'obscurité sont de dangereux conseillers. « Donne-nous des abat-jours, » dit Rose. « Cette clarté aveuglante est insupportable. »« Il n'y en a pas, madame, » répondit bravement Florence. « C'est bon. » Sur cette parole, grosse d'orage, la vieille bonne se retira et se mit à faire un tapage consciencieux dans toutes les pièces tour à tour, pour bien avertir les causeurs de sa présence. C'était une précaution inutile. Rose n'était pas accessible au genre de séduction que tentait Pornic. Ce qui la grisait au point de la laisser sans défense, c'était l'odeur du gaz, l'atmosphère des théâtres, la verdure des boulevards, tout ce qui fait partie de la vie fiévreuse et factice des artistes. Chez elle, dans l'air pur de la province, si troublée que fut son âme, elle resta en pleine possession d'elle-même. Vainement, Gérard épuisa-t-il tous ses moyens de charmeur. Elle lui témoigna beaucoup de bienveillance, se laissa parler d'art et de littérature, mais il ne put faire jaillir d'elle une étincelle communicative. Fort ennuyé d'avoir perdu son temps et ses peines, il pensait à prendre le dernier train lorsqu'un coup de sonnette ébranla l'air calme de la maison. Rose avait pâli, était cendrée, inopinément revenue. Florence ouvrit la porte et annonça triomphalement « Monsieur le docteur Langlois !» Rose se leva avec un tel mouvement de colère que Pornic tressaillit. En voyant entrer l'homme qu'il avait rencontré au bout de l'esplanade, il comprit, en partie au moins, le sentiment de la jeune femme. Que venait faire ici ce gêneur ? Serait-il amoureux de Rose pour son compte ? C'est ça qui serait drôle. Il attendit une présentation que Madame André ne fit pas. Debout, les yeux fixés avec un éclat dur comme l'acier sur ceux de Langlois, qui la regardait d'un air assuré, elle resta silencieuse et hautaine. « Bonsoir, chère madame, » dit le jeune médecin d'un ton calme. « Vous croyant seul, je venais vous chercher pour achever la soirée chez nous. Ma femme s'ennuyait de ne pas vous voir. » Rose ne disait rien. Elle avait répondu au premier mot par une froide inclination de la tête. La colère la suffoquait, et elle ne pouvait la dominer assez pour jouer dignement un rôle. Pornic fit le geste de chercher son chapeau pour se retirer. Elle retint en étendant la main. « Je ne suis pas seule, » dit-elle. « Remerciez Madame Langlois de son amabilité, et veuillez lui dire que, me sentant fatigué, je ne sortirai pas ce soir. »« Je crains d'ailleurs qu'il ne pleuve, » fit Langlois en s'asseyant sur une chaise basse. « Avez-vous eu récemment des nouvelles d'André ?» Rose baissa les yeux, ses paupières tremblèrent, et elle sentit qu'elle allait pleurer de rage et de faiblesse. « Quoi ? Elle n'aurait pas le courage d'ordonner à Langlois de sortir ? Si elle eût osé, elle se sentait sûre qu'il n'obéirait pas. » Pornic, fort ennuyé du drame intime qu'il devinait, dit à demi-voix, de manière à être entendu, « Veuillez présenter, madame. »« Monsieur Gérard Pornic, monsieur le docteur Langlois, » dit Rose, sans lever les yeux. Elle se rassit avec un geste désespéré qui signifiait « Débrouillez-vous. » Gérard, comme on dit vulgairement, n'avait pas sa langue dans sa poche. Habitué à des situations difficiles, il était en état de causer aimablement jusqu'au lever du soleil avec un monsieur qui l'eût volontiers jeté par la fenêtre. Il entama donc une conversation avec l'Anglois, qui ne se fit pas faute de lui donner la réplique. Il jouait serré, car chacun d'eux voulait en apprendre le plus possible sur l'autre, sans lui donner de prise. Malgré son habileté supérieure, Pornic fut vaincu. Il avait trop roulé par le monde pour qu'un homme intelligent ne devinât pas en lui certains côtés grossiers et matériels qui l'empêcheraient à jamais d'obtenir une vraie supériorité. L'Anglois était inattaquable. Il parla d'André avec un front serein, témoigna à la jeune femme la bienveillance cordiale que l'on doit à l'épouse de son ami. Il sut glisser que c'était lui qui avait soigné et guéri Rose, si bien que Pornic en fut réduit à se demander si le docteur était un naïf sans conséquence ou un homme très fort qui se servait des semblants de l'amitié pour maintenir Rose sous sa domination d'amant jaloux. Les suppositions du dramaturge ne pouvaient pas s'élever au-dessus d'un tel niveau. L'idée de voir en l'Anglois un fidèle chien du jardinier, travaillant d'une façon désintéressée pour l'honneur de son ami, était de celle qu'il ne pouvait concevoir. Au bout d'un quart d'heure d'escarmouche, Gérard se leva, s'excusant d'être resté si tard, et laissa la place au docteur, qui le salua très poliment et reprit sa chaise aussitôt. Quand le Parisien fut parti, Florence apporta deux abat-jours qu'elle plaça sur les lampes. « Je viens de les trouver, » dit-elle en manière d'explication. « Ils étaient sur l'armoire de l'antichambre. » Là-dessus, elle sortira, l'esprit tranquille, avec le sentiment du devoir accompli. « Est-ce que cela durera longtemps ?» demanda Rose, d'une voix sourde, quand elle se vit seule avec le docteur. « Quoi donc, madame ? Cette surveillance, cet espionnage, ce... Ah, c'est honteux, c'est lâche de persécuter une femme !» L'Anglois ne se laissa point déconcerter. Il s'attendait à cette explosion, d'ailleurs fort naturelle. « Veuillez remarquer, madame, que je n'exerce sur vous ni surveillance ni espionnage. Vous prenez soin vous-même de m'avertir de vos faits et gestes. Vous le faites même assez publiquement pour que nombre d'autres le sachent comme moi. Le jour où André en aura connaissance, soyez assurés que je ne m'en mêlerai plus. « Vous me haïssez donc bien, » dit Rose en le regardant d'une façon singulière entre ses cils baissés. « Je ne vous hais ni ne vous aime, » dit-il froidement. « J'aime André. » Elle déchira son mouchoir en mille morceaux qu'elle jeta sur le tapis. Il y avait pour son amour-propre une souffrance horrible à se voir ainsi maîtrisée. « Vous me méprisez, » dit-elle en le regardant. « Je vous plains, » répondit-il. Le silence régna dans le salon. Elle eut un instant envie de prendre un couteau, de le tuer et de se tuer ensuite. Ce dénouement à une crise formidable satisferait tous ses désirs de vengeance. Mais elle eut peur de faiblir devant la vue du sang. Elle eut peur de le manquer et de se manquer elle-même tant elle sentait sa main mal assurée. « Qu'est-ce que c'est que cet homme ? » reprit l'Anglois, qui lisait ses pensées dans ses yeux. « Un auteur, dites-vous. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il a 40 ans et qu'il n'a encore produit que des œuvres insignifiantes ? Connaissez-vous un homme vraiment supérieur qui le tienne en quelque estime ? C'est ce que vous appelez un raté dans votre langage de boulevard, et jamais il ne sera autre chose. Il vous dit qu'il vous aime ? Il ne me l'a pas dit ! » cria Rose indignée. « Quoi ? Pas même envers ? » dit ironiquement l'Anglois. Sans le savoir, en tirant au jugé, il avait visé juste. Rose se rappela le sonnet de Trouville, rougit et se tut. « Il vous respecte bien peu pour venir ici vous relancer, vous exposer aux commentaires de toute une ville, et vous prenez cela pour de l'amour. Il n'est pas question d'amour, » fit Rose. « Pourquoi vient-il alors ? Quel jeu jouez-vous, si vous vous laissez déshonorer sans l'excuse de la passion ? Cela ne vous regarde pas !» cria Rose hors d'elle-même. « Allez-vous-en ! » Il se leva et se tint debout devant elle. « Je m'en vais, » dit-il, « mais je vous préviens que je vais avertir André. Vous brisez sa carrière, vous tuez ses ambitions, vous le tuez peut-être lui-même. Un jour, vous le mettrez en face de l'épée de cet homme ou d'un autre, peu importe. Tout cela, pour satisfaire je ne sais quel besoin d'intrigue. Quelle horreur de la vie saine et simple que nous menons, nous autres. Rose, écoutez-moi. Je vais prévenir André, il faut qu'il sache ce que vous êtes. « Vous croyez me faire peur ? » dit-elle. « Je le lui dirai bien moi-même. Est-ce que vous vous êtes imaginé que je m'abaisserais à vous demander grâce ? Par où va-t-on retrouver André ? Ligne du Nord, Namur, vous le savez aussi bien que moi. Et ensuite ? Ensuite une voiture jusqu'au village de Dorfrigny. C'est là qu'il sera toute la semaine prochaine. Vous le sauriez aussi bien que moi, si vous lisiez ses lettres, mais vous ne les lisez pas. C'est bon, monsieur, dit-elle avec un grand calme qui venait de tomber sur elle tout à coup. Vous pouvez vous épargner la peine de l'écrire. Je vais le retrouver demain. Je vous souhaite un bon voyage, répondit-il sans s'émouvoir. Il lui fit un froid salut et se retira. Quand elle se vit seule, elle se mit à marcher de long en large dans le salon, comme elle faisait dans ses grandes colères. En effet, autant m'aller s'expliquer et en finir. Elle était lasse de cette vie d'esclavage qui lui apprendrait bientôt toutes les ruses de l'esclave. Au risque d'un effroyable esclandre, elle déclarait à André qu'elle ne lui appartenait plus et qu'elle rentrait au théâtre. La loi, peu lui importait. La volonté de son mari, chimère. Une seule chose était vraie, elle voulait sa liberté à n'importe quel prix. Et si André la tuait, dans un mouvement de colère, eh bien tant pis, ce sera un dénouement, quel cinquième acte. Riant amèrement, elle se rendit dans sa chambre où elle passa la nuit à mettre en ordre ses papiers et ses affaires. Décidée à fuir, elle cousit dans une ceinture de caoutchouc qu'elle portait autrefois pour ses voyages, l'or, les billets de banque et les bijoux qui avaient une valeur réelle sous un petit volume. Elle prépara ses effets en paquets prêts à être entassés dans des malles, ce que Florence pourrait faire sans autres ordres, et enfin, après avoir anéanti jusqu'aux traces les plus insignifiantes de son mariage, excepté son alliance, qu'elle plaça sur le bureau d'André, et son acte de mariage, qu'elle joignit à ses bijoux, elle prit un peu de repos. Le matin venu, elle revêtit un costume très simple, et quand elle fut tout à fait prête, elle sonna Florence, stupéfaite de la voir debout. « Je pars, » dit-elle. « Je vais retrouver monsieur. » La servante poussa un inexprimable soupir de soulagement. Elle avait craint toute autre chose. « Si je te demande des effets, par lettre, tu viendras avec eux à l'endroit que je t'indiquerai. Sinon, » insista Florence, « sinon, à la grâce de Dieu, au revoir. » La vieille bonne la regardait, les lèvres tremblantes, pressentant de graves événements. « Tu t'en vas pour longtemps, » dit-elle, pendant que les larmes qui remplissaient ses yeux commençaient à couler sur ses joues ridées. « Je n'en sais rien, ma bonne. Ne me demande rien, je ne pourrai pas te répondre. Je vais retrouver mon mari, et j'ai à lui parler, et ensuite, advienne que pourra. Adieu. » Elle embrassa vivement Florence, qui restait interdite, et disparut, son petit sac à la main. Depuis bien des années, elle n'avait donné à sa fidèle servante une marque d'affection semblable. Celle-ci secoua tristement la tête, plus émue par ce baiser qu'elle ne l'avait jamais été par les plus durs reproches. « Je vois des malheurs au fond de tout ça, » se dit-elle avec un grand serrement de cœur. « Je lui avais bien dit que ça lui porterait malheur de se marier avec des fleurs d'oranger. »